Vendredi, j'ai fait un podcast avec Eugène Lapierre, le grand patron de la Coupe Rogers. On ne savait pas, évidemment, que Bianca Desquet l'ait défait Angelica Gerber, mais on savait quand même qu'on aurait une belle semaine et on voulait savoir, évidemment, quelles seraient les retombées pour la Coupe Rogers. Donc, on écoute ce podcast. On va parler de tennis. Quelle semaine de tennis qu'on a eu la semaine dernière avec Bianca Andreescu, Milos Raonic, Félix Auger-Aliassime. C'est vraiment extraordinaire ce qui s'est passé. C'est le fun de voir ça. Quoi qu'il en soit, quel impact aura sur la Coupe Rogers? On en parle avec le grand Manitou de la Coupe Rogers, Eugène Lapierre. Bon après-midi, M. Lapierre. Ouais, bonjour. M. Lapierre, si on parlait de l'impact, c'est fantastique pour le tennis. Là. Il y a eu une petite baisse entre Eugénie et Shapovalov. Là, c'est reparti plus belle. Et Bianca Andreescu, c'est vrai. On savait qu'elle avait du talent, mais est-ce qu'elle est arrivée un peu plus vite qu'on pensait? Plus vite, oui, on peut dire plus vite. C'est dur à dire. On savait qu'elle avait du talent dès l'âge de 14 ans, 15 ans. Ouais. Mais là, on trouvait que ça éclose, ça partait pas vite, son affaire. Jusqu'à ce que Sylvain Bruneau... choisissent de s'en occuper à temps plein, là, finalement. Parce qu'avant, il était capitaine de l'équipe de la Coupe Fed. Il s'occupait pas directement d'aucune des joueuses comme telle, comme entraîneur personnel. Et là, il a laissé de côté son rôle de capitaine de la Coupe Fédération, de la Coupe Fed, pour s'occuper d'elle à temps plein. Et l'année dernière, on se demandait qu'est-ce qui se passait avec elle. Mais là, dernièrement, c'est phénoménal. On se demande vraiment où elle va s'arrêter là. Et c'est formidable pour le tennis féminin au Canada. Oui, elle va montrer la voie. On espère que Eugénie va suivre, qu'elle va revenir dans un meilleur niveau. Peut-être Françoise aussi. Peut-être d'autres. Hein. On entend qu'il y a d'autres bonnes jeunes joueuses là chez les 13-14 ans. En Ontario notamment, alors ici aussi au Québec, donc on va voir. Okay. Et comme vous l'avez mentionné, du côté masculin, c'est encore plus fou là. Alors ça va très très bien là, par le temps qui court. Dites-moi, est-ce que ça, que je veux dire du côté d'Andreescu, vous avez été blessé aussi l'an passé, ça n'a pas aidé non plus là. Non, certainement. Donc une des choses primordiales de son côté, ça a été une grande remise en forme là, si on veut. Donc on l'a bien suivi du côté médical. Donc avec les physios, avec tout le monde, avec toute l'équipe et ça a donné d'excellents résultats. Là, je la regardais jouer la semaine dernière, elle se déplace bien sur le terrain, elle frappe la balle, elle semble avoir aucun problème. Alors, donc c'est très, très encourageant. Est-ce que je lisais aussi, je lisais du côté des analystes qui disaient de elle qu'elle est capable de s'acclimater à toutes sortes de situations. C'est ça qui fait qu'elle est bonne, en réalité. Là. C'est intéressant, oui. Je lisais aussi un article qui parlait des commentateurs aux États-Unis, là, qui disait que oui, effectivement, elle a un jeu assez mature pour ses jeunes 18 ans. Donc, être capable de répondre à toutes sortes de situations sur le terrain et choisir de jouer en puissance ou en finesse, ça semble pas être un problème pour elle. Elle choisit le bon coup. Bon, on espère que ça va rester comme ça. Effectivement. Ouais. Quel impact que ça va avoir sur la Coupe Rogers? Est-ce que déjà, on voit déjà une augmentation? Tu veux dire, ça a bien commencé, là. Félix Auger-Aliassime, ça a bien été en terre battue. Ça a bien été également pour Andreescu, c'est plus le début. Et d'ailleurs, celle qui mène, au moment où on se parle, qu'on enregistre le podcast, le nombre de victoires sur la WTA. Quel impact? Est-ce que pour la vente de billets, ça paraît déjà? Oui, on a les hommes à Montréal cet été. Du côté de mes collègues à Toronto qui ont les femmes, ils se frottent les mains là, parce que c'est certain. C'est une jeune fille de Mississauga, là, c'est à Toronto, ça. Alors, donc, ils sont bien contents de ce côté-là. Et c'est une Roumaine. Et il y a une il y a vraiment une grosse partie de la population roumaine à Toronto. Donc, ça devrait être excellent pour les résultats là-bas. Ici, vous allez voir. Là, ça a commencé déjà. Le téléphone sonne. Oui, on veut voir les jeunes. On va probablement créer un forfait, là, un package joueur canadien lundi, mardi. Prenez les deux journées, puis vous allez toutes les voir. Oui, ça devrait, on devrait connaître un bon résultat là, de ce côté-là pour l'été prochain. Surtout que quelque part, ça va aider. Là. D'ici à ce temps-là, il y a peut-être des chances encore de gagner encore un ou deux tournois dans le cas de Félix Auger-Aliassime et ainsi de suite. Là, ça peut aider et, encore ouais, plus. Je trouve ça intéressant parce que la seule chose qui pourrait les freiner là, présentement, ce sont les blessures, mais ouais. Je pense qu'ils sont bien suivis et ils savent qu'il faut pas qu'ils dépassent les bornes. Tu sais, alors de jouer des 3-4 tournois de suite, c'est ça qui peut être dangereux des fois. En tout cas, on va voir leur progression. Miloš Raonic est rendu au sommet de son art et là, lui a appris à bien espacer ses compétitions pour pas s'en mettre trop. Là, il a été blessé souvent quand même dans le passé. Alors, non, c'est très, très encourageant là, pour ce qui s'en vient pour le reste de l'année. Dites-moi si on parlait un peu du côté de Coupe Rogers. Vous aviez un projet qui est quand même assez cher, c'est d'avoir un toit. On sait que ça aussi, ça va aider à la vente de billets. Un toit, comment ça va là-dessus? Bien, on est toujours dans la recherche de financement. Donc c'est sûr que oui, comme vous l'avez mentionné, c'est pas donné là, c'est beaucoup, c'est une construction onéreuse et on a besoin du support des trois paliers de gouvernement. Et nous, Tennis Canada aussi, on prévoit participer au financement, mais il va falloir qu'on ait un appui de tout le monde si on veut aller de l'avant. Mais c'est dans l'air du temps. C'est là que le tennis international est rendu. Les quatre tournois du Grand Chelem, il y en a déjà trois qui l'ont. Roland-Garros va avoir son toit à compter de l'an prochain ou à peu près. Il y a déjà d'autres tournois de notre calibre, calibre de tournoi Masters qui ont déjà un toit, notamment à Madrid, à Shanghai. Alors, on pense que c'est dans l'air du temps. Ça s'en vient. Et si on veut consolider notre place sur la scène internationale à Montréal, ben on va passer par là. Donc c'est notre but, puis on espère que ça va pouvoir connaître un dénouement favorable bientôt en fait. On parle d'un investissement de combien à peu près? L'évaluation qu'on en a faite, c'est entre 70 et 80 millions. Okay. Alors oui, donc c'est cher. C'est beaucoup d'acier. Ouais. À notre climat, c'est pour supporter la neige, évidemment. Ça serait un stade trois saisons à ce moment-là. On le ferme pas complètement. Et donc, il y a une portion du toit qui serait rétractable pour permettre le jeu à l'extérieur et le fermer lorsqu'on en a besoin. Puis ça va aider aussi avec un toit. C'est pas juste la Coupe Rogers. C'est tout le... J'imagine que par la suite, il va y avoir d'autres activités pour un petit peu pour financer tout ça, pour un petit peu bonifier ça. Là. J'imagine aussi que vous avez un plan en arrière, pas juste pour la Coupe Rogers, mais d'autres activités aussi. Non? On va voir quel genre d'utilisation multifonctionnelle on pourra en faire par la suite. Je sais qu'il y a quand même assez de demandes de ce côté-là, mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout une utilisation sportive. Ça va nous permettre de faire beaucoup plus d'événements, en tennis d'abord, et aussi, peut-être dans d'autres sports, on a approché certaines fédérations nationales, comme le basketball ou le volleyball ou les sports de combat, judo et ainsi de suite. Et il y en a 6 ou 7 fédérations qui sont très intéressées à faire des championnats d'envergure dans un stade qui pourrait présenter des compétitions à l'extérieur, mais garantie pour en cas de... Mais by the way, ça va se payer sur à peu près 10, 15, 20 ans, ça, là. Avec toutes les... Tu sais, veux dire, quand il y a apparence de puits, c'est pas tentant d'acheter des billets, c'est pas tentant d'acheter des... Fait que ça va se payer tout ça, là, je pense. C'est entre le résultat de l'événement même et le résultat du côté de la vente de des droits de télévision, parce que c'est beaucoup là que ça se passe aussi. Hein, les gens, on est dans 190 pays là, présentement, le tournoi de la Coupe Rogers. Alors quand il y a un match qui était à l'horaire sur une heure précise et que tout à coup il tombe des gouttes de pluie puis le match est remis peut-être au lendemain ou quoi que ce soit, ben c'est un coup dur ça pour tous les télédiffuseurs. Alors là, c'est pour ça qu'un peu le tennis international s'en va vers ça, pour être capable de garantir le spectacle. Et ça va changer la valeur de l'image du tennis à travers le monde. Est-ce que Roger Federer va venir à Montréal? Peut-être sa dernière présence? Est-ce que, parce qu'il est encore tôt un peu, là, mais on l'espère bien. Oui, est-ce que vous avez l'espère bien. Oui, OK. On parle avec lui. On sait qu'il choisit ses tournois de façon parcimonieuse. Là, il y a 2 ans, il était venu. Déjà là, on disait que c'était peut-être sa dernière présence. Ouais. Mais là, il continue de jouer comme un jeune premier. Alors, il y en a peut-être encore une ou deux bonnes années devant lui. C'est un joueur phénoménal. Alors, oui, on a bon espoir qu'il soit de retour cette année à Montréal. Il me reste deux petites questions que je veux vous poser. On sait qu'on est en région. La Coupe Banque Royale, Banque nationale à Québec. Je sais que c'était très incertain. Où s'en est rendu le dossier actuellement? Est-ce qu'il va y avoir une prochaine Coupe? C'est le statu quo présentement. Okay. Alors, on continue. On sait que avec le circuit, de la façon dont il a été remanié par la WTA, il y a des tournois qui se déroulent en Asie en même temps. Alors, ça devient un peu plus difficile d'attirer des joueuses de renom. Par contre, c'est une excellente situation pour nos propres joueuses, donc qui peuvent faire des points ici même chez nous. Alors, on continue. Pour l'instant, c'est statu quo de ce côté-là. OK. Dernière question. Le Challenge Banque nationale, vous en pensez à Ville-Saguenay, vous en pensez quoi? C'est une belle organisation. C'est un beau petit tournoi. Je sais que vous êtes un petit peu avec Caroline Delisle. Caroline, c'est ma chroniqueuse de tennis. Je pense que c'est un tournoi qui est bien rodé. Hein? Tout à fait. C'était toujours un succès. Succès d'estime de la part de tous les visiteurs, là, les joueurs, les gens du circuit professionnel de l'ITF. Et puis ils ont beaucoup de monde qui viennent voir les matchs. Pour nous, c'est très important ce type de tournoi-là, okay. Des tournois de développement pour nos athlètes. Alors, toutes nos joueuses sont passées par là avant de progresser sur le circuit, et pas seulement que les nôtres. Hein, Angelica Gerber a déjà été là. Kerber, il y en a toutes sortes de noms qui ont passé là. Alors, non, c'est un tournoi important. C'est du gros tennis. Et c'est intéressant pour la promotion du sport au niveau régional. Et on est très satisfait de ce tournoi. Ben, Eugène Lapierre, très, très intéressant. Au plaisir de se parler quand la Coupe Rogers va arriver. Ça marche. Merci. Eugène Lapierre, le grand patron de la Coupe Rogers.